Un bon après-midi à vous tous ceux qui suivez la radio Sanganiro et nous nous excusons de ce petit retard. Merci d'être avec nous et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Ce jeudi 11 mois, jour pour jour de la disparition de notre confrère Jean-Louis Guilliman du groupe de presse Iwachu dans la recherche de la vérité sur sa disparition. Le groupe Iwachu dit avoir déjà porté plainte contre X. Et une retraite politique de 2 jours à l'intention des leaders politiques vient de commencer à Kayanza et garantir un espace à toutes les formations politiques libres pour exercer leurs droits et la révision de la constitution entre autres sont les points qui seront à l'ordre du jour. Dans cette édition, on aura un reportage. Notre confrère nous conduira au camp des réfugiés de Gassogwe où les réfugiés indiquent qu'ils mènent une vie difficile. Bienvenue à cette édition mise en onde par Servine Hakizimana. La présentation en Placide Niomongue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore à cette édition que nous débutons par page éducation. La Fédération nationale des associations œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, demande qu'il y ait une commission technique chargée de passer à la loupe les questions des élèves autodidactes qui n'ont pas pu faire le concours national de cette année. Maître Jean-Jacques Guilimana, président de cette association, explique que les 40% d'élèves que le système fondamental éjecte chaque année est une question qui doit être traitée au plus haut niveau. On l'écoute. Nous avons apprécié globalement la façon dont le concours s'est déroulé, sauf qu'il y a eu quelques irrégularités, notamment le fait de ne pas laisser les enfants, les autodidactes, passer leur concours comme tant d'autres. Dans certains centres, on les a laissés, dans d'autres centres, on ne les a pas laissés, donc on a refusé de passer le concours, et cela, c'est vraiment déplorable. Au niveau de la FENADEB, nous recommandons au ministère de l'Éducation nationale, franchement, de mettre sur pied une commission technique qui doit étudier en profondeur la question des autodidactes. Ici, nous devons rappeler que ce système de l'école fondamentale que nous avons aujourd'hui au Burundi, c'est un système qui doit éjecter 40% des lauréats chaque année. Donc, l'année passée, on avait 88 000 enfants qui ont été rejetés par le système. Et aujourd'hui, donc, au cours de cette année, nous devons avoir d'autres 40%, même plus de 80 000. L'année prochaine, comme ça, et 88 000 personnes, 88 000 enfants, 88 000 jeunes qui sont éparpillés dans tout le pays, c'est un effectif non négligeable. Donc, c'est une question qui doit être traitée au plus haut niveau, qui doit trouver une solution et ne pas seulement laisser cette question aux parents. Donc, les parents ont du mal à gérer ces jeunes toute une année à la maison. Et voilà aujourd'hui que ces jeunes s'attendaient à passer l'examen, le concours pour pouvoir au moins tenter leur chance pour continuer les études. Et aujourd'hui, on leur refuse de passer le concours. Donc, vous voyez que c'est vraiment inacceptable. Le président de la FENADEB lance un cri d'alarme pour que le nombre de victimes de ce système fondamental soit le plus réduit possible. Page Agriculture, l'office édité du Burundi OTB en sigle, a célébré ce jeudi son jubilé d'or depuis sa création. Les festivités se sont déroulées à Teza dans la province de Muramvya. Le directeur général de l'OTB a fait savoir que la production a augmenté dans cette entreprise, mais les téiculteurs demandent la revue à la hausse du prix dité suite à la cherté de la vie. Et notre confrère Évariste Nziko Banyanga est notre envoyé spécial. Bonjour Évariste. Bonjour Placide. Vous êtes à Muramvya où se déroule bien sûr la célébration du jubilé d'or de l'OTB. Quand est-ce que l'OTB a vu le jour Évariste? Oui, l'OTB tricole de Teza a vu le jour dans les années 1963. C'est au cours de cette année que les plantations que l'OTB a, que le Burundi plutôt, le ministère de l'Agriculture a commencé des essais de plantation de thé dans les montagnes qui sont tout près de la Kibira, à cheval entre la province de Kayanza et la province de Muramvya. Mais dans les années 1967, c'est là où l'OTB Tricole de Teza a commencé à produire l'OTB. Oui, Évariste, quelle est la situation de la production de l'OTB? Oui, la production de l'OTB est allée croissant, comme l'a dit le directeur général de l'OTB, Jacques Guilimana. Il a indiqué à la presse qu'au départ, lors des années 67, l'ETB Tesa ne produisait que 800 tonnes par an, mais qu'aujourd'hui, le tonnage est passé de 800 jusqu'à 3000 tonnes. Oui, oui, Evariste, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les préoccupations des téiculteurs sur place? Les téiculteurs de Tesa, de Muramza, de Kayanza, ils indiquent être... bien dans leur vie car l'OTE leur apporte de revenus annuels ou mensuels, mais ils évoquent, ils indiquent que le prix du thé aujourd'hui est insignifiant vu la cherté de la vie aujourd'hui. Ils demandent que le prix du thé par kilo passe de 250 francs à 300 francs pour s'autosuffire dans leur ménage. Effectivement, merci Evariste et on espère que vous allez nous faire part de beaucoup de détails dès que vous serez de retour. Merci beaucoup. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans la suite de ce journal, une retraite politique de 2 jours à l'intention des leaders politiques vient de commencer à Kayanza. Garantir un espace où toutes les formations politiques se sentent libres pour exercer leurs droits et la révision de la Constitution sont entre autres les points qui vont faire objet d'échanges entre les participants dans cette retraite. La Radio Sanganiro a dépêché Joseph Nsabiabandi à Kayanza. Je viens de le joindre tout de suite. La retraite qui se tient à Kayanza, précisément à Paradise Hotel. C'est une retraite politique organisée à l'intention des formations politiques. Cette dernière a vu la participation de beaucoup de leaders politiques, en l'occurrence Agathon Gwasa, qui est le premier vice-président à l'Assemblée nationale, l'ancien président Sylvestre Ibanyunganya et les anciens vice-présidents de la République, en l'occurrence Madame Alice Zomokula. Je vous dirai aussi que cette retraite politique a vu la participation des présidents, des leaders des partis politiques, mais aussi des représentants des partis politiques. Dans cette retraite également, on a invité les ambassadeurs et les chefs de mission accrédités au Burundi, mais également les leaders des confessions religieuses et les leaders des associations de la société civile. Nous avons vu aussi la participation du président de la commission Vérité et Réconciliation, mais également le ministère de l'Intérieur est représenté ici. Oui, Joseph, vous qui êtes directement sur terrain, est-ce que vous savez l'ordre du jour sur lequel va se focaliser la retraite? L'ordre du jour n'a pas été clairement donné, mais l'ombudsman burundais, Edouard Nduimana, dans son allocution, il a donné certains points autour duquel va se tenir les échanges. Parmi les points qu'il a évoqués, il a évoqué la façon de garantir un espace politique où toutes les formations politiques se sentent libres en vue d'exercer leurs droits en vue de l'élection de 2020, justement pour préparer les élections de 2020. Un autre point qui va retenir l'attention des participants dans cette retraite, c'est de trouver un remède pour les partis politiques qui sont disloqués. Également, la question de la révision de la Constitution va retenir l'attention des participants dans cette retraite. L'ombudsman burundais qui a évoqué ce point, il a indiqué qu'on va tenir compte de l'article 299, sans préciser si cet article est de la Constitution ou d'une autre loi, mais c'est en tenant compte de cet article 299 que les participants vont échanger pour voir l'opportunité de la révision de la Constitution. Il a indiqué que cet article précise qu'aucune révision ne peut être entamée ou envisagée si la révision de la Constitution met en cause l'unité et la cohésion sociale des Burundais. Dans les échanges qui viennent de commencer, l'ombudsman vient de préciser que cette retraite ne vient pas remplacer le dialogue qui s'est déroulé à l'intérieur du pays, non plus le dialogue qui s'en tient toujours à l'étranger, le dialogue d'Arusha. Pour Edouard Nduimana, cette retraite est une chance donnée aux politiciens burundais qui n'ont pas donné leur contribution dans des assises qui ont été organisées par la commission du dialogue inter-burundais qui s'est déroulée à l'intérieur du pays. Merci Joseph, à qui nous disons merci également. Il nous fera le point dans nos éditions ultérieures. Ce jeudi, 11 mois, jour pour jour, de la disparition de notre confrère Jean-Vigui Maladi, groupe de presse Iwachu. Les dernières informations affirment qu'il a disparu en zone Bugarama de la commune et province Muramvya depuis le 22 juillet 2016. Dans la recherche de la vérité sur sa disparition, le groupe de presse Iwachu dit avoir déjà porté plainte contre X. Et une personne connue sous le nom de Nakoba Kigira Juma de la commune Muyanga en commune Mugina de la province Chibitoke a été tué cette nuit de mercredi à jeudi d'une soixantaine d'années. Cet homme a été tué chez lui après avoir défoncé la porte selon la police à Chibitoke. Les auteurs de les auteurs ne sont pas encore identifiés, mais les enquêtes ont déjà commencé. Le cinquième forum du secrétaire général de l'EAC, de l'East African Community pour le secteur privé et la société civile, a débuté ce jeudi. Les organisations invitées vont débattre sur l'échange des expériences en rapport avec les processus d'intégration durant les 15 ans d'existence de l'EAC. Certaines organisations de la société civile de la sous-région se sont refusées de participer dans ce forum à cause de la situation qui prévaut au Burundi. Le secrétaire général de l'EAC explique plutôt que le conseil des ministres des pays de l'EAC a bien validé qu'il n'y a pas d'obstacle qui empêcherait à ce que ce forum se tienne à Bujumbura. L'élément n'est pas disponible, on y reviendra dans nos éditions ultérieures. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, l'ONU estime dans un rapport publié ce mercredi que la population mondiale atteindra plus de 9 milliards en 2050. Au Cameroun, un nouvel attentat terroriste dans l'extrême nord du pays a fait 6 morts et des blessés ce mercredi. Et en Ouganda, l'Ouganda accueille le sommet de la solidarité pour les réfugiés ce jeudi 22 et vendredi 23, le point avec Beltelmi Bitana. Ce jeudi 22 et vendredi 23 juin, se tient en Ouganda le sommet de la solidarité pour les réfugiés. Ce pays fait face à la plus grosse crise de réfugiés d'Afrique. Le pays accueille aujourd'hui plus d'un million de réfugiés venus de 13 pays différents, essentiellement Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Burundi et la Somalie. Malgré cette crise, l'Ouganda est l'un des pays à la politique d'accueil la plus progressiste au monde. Ce sommet a pour objectif principal d'appeler la communauté internationale à la solidarité. Le second objectif de ce sommet est de promouvoir le modèle ougandais. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réalise un déplacement dans les camps de réfugiés du nord du pays afin d'aller à la rencontre des réfugiés. Un nouvel attentat terroriste dans la localité de Kolafatan, dans l'extrême nord du Cameroun. Des terroristes se sont fait exploser Tiassi civil selon un bilan provisoire. Selon la BBC, l'attentat a fait également 3 blessés graves qui ont été transportés à l'hôpital départemental de Mora. La région de l'extrême nord du Cameroun fait face à une résurgence d'attaques terroristes après une courte période d'accalmie. L'ONU estime que la population mondiale devrait atteindre plus de 9 milliards d'habitants en 2050. L'Inde deviendrait le pays le plus peuplé devant la Chine. C'est d'après un rapport publié ce mercredi par l'ONU. Actuellement, habité par plus de 7 milliards de personnes, la Terre en abritera plus de 8 milliards en 2030 et plus de 11 milliards en 2100, selon les estimations du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. À la source, reportage. Dans le reportage d'aujourd'hui, les réfugiés du camp de Gasogwe, composé majoritairement par les Congolais, disaient qu'ils mènent une vie difficile, mais qu'ils essaient d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Ils demandent des facilités de voyage et d'affaires au moment où la journée mondiale dédiée pour aux réfugiés a été célébrée le 20 juin sous le thème national « Ensemble pour l'autonomisation effective des réfugiés ». Le reportage d'aujourd'hui est signé Charles Makote. La vie des réfugiés au camp est différente de ceux qui sont dans leur propre pays. Donato Kakonga, un des réfugiés du camp de Gasogwe, fait savoir qu'ils ont reçu des formations en matière des activités génératrices de revenus, mais que les moyens manquent pour la mise en application des notions apprises. Dansi Nyirahigwe fait savoir qu'avant la formation sur l'épargne, ils étaient en conflit permanent au sein des ménages. Selon elle, la formation en matière d'épargne a été bénéfique. Depuis l'introduction par IRC du projet Ziganya, de retour de la réception de l'aide, on a appris à séparer la nourriture à consommer et celle destinée à l'épargne. C'est après que nous avons réalisé que c'était une activité bénéfique. Au fur et à mesure qu'on épargnait, on pourrait contracter un crédit pour le commerce. De la manière, cet argent générait des intérêts. Au début, on cotisait 1000 francs. Il y a ceux qui cotisaient 500 francs. Après, nous avons cotisé en hauteur de 5000 francs par semaine. Au moment du partage, une année après, nous nous sommes rendus compte que nous avons encaissé beaucoup d'argent. Il y a ceux qui ont reçu 300 000 francs, 400 000. Maintenant, tu vois, ce que j'ai, c'est grâce au projet Ziganya. Au moment où le monde entier a célébré le 20 juin, la journée mondiale dédiée aux réfugiés, journée célébrée au Burundi sur le thème Ensemble pour l'autonomisation effective des réfugiés, Sondo Sikitu, qui a représenté les réfugiés dans ces cérémonies, a demandé des facilités de voyage. Que toutes les associations reconnues et qui sont en activité puissent bénéficier d'un financement pouvant leur permettre d'aller de l'avant. Que le gouvernement du Burundi les aide avec des titres de voyage en cas de sortie à l'extérieur du pays pour aller chercher des marchandises. De son côté, Pacifique Nyungeko, administrateur du camp Gasogwe, fait savoir que les activités génératrices de revenus sont d'une grande importance. Bon, l'avantage de ces activités, premièrement, c'est qu'ils occupent les réfugiés. Ils leur aident à faire des activités génératrices de revenus, des agères, pour compléter ce qu'ils reçoivent ici comme aide humanitaire. Il y a quelques services qu'on ne donne pas ici. Avant, on donnait, mais il y a des abus, ils ne reçoivent plus, et d'autres choses qu'ils ne reçoivent plus. Donc s'il y a des activités, puis que l'aide qu'ils reçoivent maintenant va en diminution, puisque les bailleurs ont déjà diminué leur aide ici au camp de Kinama, qui est considéré comme un cas très ancien. Le camp de Gasogwe a ouvert ses portes en 2002 et se trouve sur la colline Kinama, en province de Muyinga. Il comptait jusqu'au 30 avril de cette année 8127 réfugiés, dont 4191 femmes et 3936 hommes, dont la majorité sont de nationalité congolaise. Merci à Charles Makote pour ce reportage. Nous voilà au bon port. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Serafine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomongere. Un excellent après-midi à tous. Au revoir.